Lettre 15e. Monsieur Villard à Evelina, Berry Hill, 14 avril. Je m'attendais d'un jour à l'autre, ma chère Evelina, à apprendre la nouvelle de votre départ de Londres, et je différais de vous écrire jusqu'à ce que vous fussiez de retour à Howard Grove. Mais la lettre que je viens de recevoir, et qui m'annonce l'arrivée de Madame Duval, exige une prompte réponse. Son arrivée en Angleterre m'afflige et m'inquiète. Comme je vous plains, mon enfant, en lisant le récit d'une rencontre aussi inattendue et aussi peu souhaitée. J'ai craint depuis longtemps cet événement et les suites qui devaient en résulter. Après vous avoir reconnu, il était naturel que Madame Duval dût vous réclamer. Je ne connais que trop bien ses intentions, et j'ai prévu depuis bien des années les contestations dont nous sommes menacés actuellement. Quelque fâcheuses que soient les circonstances de cette affaire, il ne faut pas vous décourager, ma chère. Tant qu'il me restera un souffle de vie, il sera consacré à votre service, et je prendrai de même tous les arrangements possibles pour établir solidement votre bonheur après ma mort. Persuadé de mon appui, reposez-vous sur ma tendresse, et ne vous livrez pas aux craintes que Madame Duval pourrait chercher à vous inspirer. Conduisez-vous envers elle avec le respect et tous les égards qui sont dus à une aussi proche parente. Souvenez-vous qu'en oubliant son devoir, elle ne vous autorise pas à négliger le vôtre. Plus vous serez frappé des défauts d'autrui, plus il faudra, ma chère, vous étudier à en éviter jusqu'à l'ombre. Je vous recommande donc d'être sur vos gardes, pour que nul manque d'attention, nulle froideur, ne lui fasse soupçonner l'indépendance que je vous assure. Et lorsqu'elle aura fixé le temps de son départ, fiez-vous à moi du soin de m'opposer à ses projets. Je vous promets que vous ne la suivrez point. Mon refus est tout prêt et j'en fais mon affaire. Je sens, à la vérité, que cette tâche est difficile, mais il ne conviendrait pas, ou plutôt il serait impossible que vous vous en chargeassiez. Je suis peu surpris au reste de la mauvaise opinion qu'elle a de moi. Je plains plutôt son étrange aveuglement. Voyant l'impossibilité de colorer sa propre conduite, elle cherche des torts à tous ceux qui ont été intéressés aux événements malheureux qu'elle n'a que trop sujet de déplorer. C'est là la raison de son endurcissement, et elle doit, en quelque sorte, lui tenir lieu de justification. Rien ne pouvait m'être plus agréable que le désir que vous me témoignez de retourner à Berry Hill. Votre long séjour à Londres et la dissipation dans laquelle vous vivez me mettent mal à mon aise. Je ne prétends pas cependant que vous renonciez au parti auquel vous êtes invité. Madame Mirvan pourrait regarder votre refus comme une censure, et rien ne s'accorderait plus mal avec votre âge et avec les bontés que cette dame a pour vous. Je ne m'étendrai point sur ce sujet, et je me borne seulement à vous dire que je me réjouirai de tout mon cœur lorsque je vous serai heureusement arrivé à Howard Grove. Je me flatte que cette lettre vous trouvera occupé des préparatifs du voyage. Je ne saurais assez vous remercier, ma chère Evelina, de tous les détails dans lesquels vous entrez. Continuez à m'écrire avec la même exactitude. Je serais malheureux si j'ignorais la moindre de vos actions. Le genre de vie que vous menez actuellement est nouveau pour vous. Des bals, des spectacles, les opéras, des rideaux auto. Ah, mon enfant, comme vous perdrez au change à votre retour ici. Je tremble pour votre tranquillité future. Mais j'espère tout de l'excellence de votre cœur et de la vivacité naturelle de votre caractère. Je puis sans doute me dispenser de vous dire que j'aime bien mieux les fautes d'inexpérience qui vous échappèrent au bal que les grands airs dont vous avez voulu faire l'essai au ridotto. Mais l'embarras et l'humiliation que vous en avez souffert ne me permettent plus la moindre réprimande. Je suppose que vous ne verrez plus ce Sir Clement Willoughby. Ses propos et sa hardiesse m'ont excessivement choqué. D'un autre côté, j'étais fort content de la bonté de cœur de Mylord Orville, mais j'ose croire pourtant que, malgré sa complaisance, vous ne serez plus tenté de mettre son nom à l'épreuve. Que le ciel vous bénisse, ma chère enfant. Puissiez-vous ne perdre jamais ce contentement que donne l'innocence, ce sentiment qui fait votre propre bonheur et qui contribue à la satisfaction de tous ceux qui vous connaissent. Arthur Villard.